franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Combien de disparus? Des dizaines? Des centaines? On ne sait pas. Ou plutôt, on ne veut pas savoir. Je veux parler de ce que l'on a appelé le massacre du Beach. Le Beach étant le port fluvial de Brazzaville, tout près du palais présidentiel de Denis Sassou Nguesso. Si près même que certains témoins, depuis les fenêtres de leur bureau de la résidence présidentielle, ont pu sentir la fumée des bûchers sur lesquels on brûlait des corps. Alors, que s'est-il passé? Ce massacre, perpétré par des soudards proches du pouvoir, est l'ultime conséquence de la terrible guerre civile qui a ensanglanté le Congo-Brazzaville pendant une année entière à partir de décembre 1998. Un conflit ethnique d'une violence inouïe avec son cortège de viols et d'assassinats systématiques, à tel point qu'on a parlé de massacre de type génocidaire. Au total, des dizaines de milliers de morts, 500 000 personnes déplacées, 800 000 sans-abri et une forte odeur de pétrole. Mais si M. X évoque aujourd'hui cette affaire du Beach, c'est que la France y a été impliquée. La France de la France-Afrique, si j'ose dire, si prompte à protéger les dictateurs africains dès lors que ses intérêts, ou plutôt les intérêts de ces grands groupes, sont menacés. Il faut enfin ajouter, avant d'écouter M. X, que l'homme fort du Congo-Brazzaville, le vainqueur de cette épouvantable guerre civile, Denis Sassou Nguesso, est aussi l'un des trois chefs d'État africains impliqués dans l'affaire dite des biens mal acquis. Donnez-moi une aiguille, donnez-moi une aiguille, avec beaucoup de fil. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Donnez-moi une aiguille, pardon, une aiguille. Donnez-moi une aiguille avec beaucoup de fil. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Il ne faut pas coudre la bouche qui sent mauvais. Il ne faut pas coudre la bouche édentée. Il ne faut pas coudre la bouche qui fume la pipe. Il ne faut pas coudre la bouche qui dit la vérité. Mais il faut recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Mais il faut recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Donnez-moi du savon, je veux laver ce sang laissé par ce passant, cet innocent petit enfant. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Garden on tombe. Garden on tombe. Ngane nontumbwe, Kongo ni londe la yo, Kongo ni Kongone. Ngane nontumbwe, Kongo ni londe la yo, Kongo ni Kongone. précision d'abord. Si la France a été concernée directement par cette affaire du Beach, c'est un peu par hasard. Expliquez. Deux des personnages accusés par les familles des disparus d'avoir joué un rôle dans le massacre possèdent en effet des résidences en France. Ouais. Et ils faisaient l'objet d'une plainte. Oui, pour torture, disparition forcée et crimes contre l'humanité. La France ayant signé la Convention internationale contre la torture, notre justice s'est donc crue autorisée à ouvrir une information. Oui, à partir du moment où la présence de ces deux hommes sur notre territoire était avérée. Exactement. C'était donc, si je puis dire, quasi automatique. Et parfaitement légal. Bien sûr. Alors maintenant, voyons les faits. Pour bien comprendre, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et voir de plus près ce qui s'est passé au cours de cette horrible décennie 90 au Congo. Le Congo, Brazzaville, qui a longtemps été dirigé par des marxistes. Oui, enfin, du moins, ils le prétendaient. Le patron, depuis qu'il s'est débarrassé de ses rivaux au sein du Parti des Travailleurs, est alors Denis Sassou Nguesso, un marxiste toujours sanglé dans des costumes achetés à des dizaines d'exemplaires à Paris, avenue Montaigne ou rue François 1er. En 1990, après le fameux discours de Mitterrand à la Baule. Le discours appelant les dirigeants africains à gouverner de façon plus démocratique. C'est ça. Ouais. Quand il revient chez lui, Sassou Nguesso annonce l'instauration prochaine du multipartisme et accepte la tenue d'une conférence nationale. Et ça, c'est une première au Congo. En effet. Mmh. Et on assiste à un salutaire et grand déballage. Sassou Nguesso doit reconnaître ses fautes. Il a dû avouer en particulier avoir accumulé frauduleusement une fortune de 5 milliards de dollars placée à l'étranger. En quelques 10 ans de pouvoir, c'est une sorte de record absolu. Mais il faut dire que le petit Congo-Brazzaville, malgré sa modeste façade océanique, s'est découvert d'immenses gisements de pétrole offshore. Ouais. Et quelles conséquences pour Sassou Nguesso là ? Ah ben, il reste président, mais sans grand pouvoir. C'est pourquoi, avant même la tenue des premières élections libres, il tente un putsch. Ouais, c'est un militaire de formation, oui, faut le rappeler. Oui, hein, mais il échoue. Ouais. Et le processus démocratique suit son cours. Nouvelle constitution adoptée par référendum, puis élection présidentielle. Un scientifique, Pascal Lissouba, est élu. Sassou Nguesso est évincé. Provisoirement, en tout cas. Mais il veut prendre sa revanche. Et Sassou, originaire d'une ethnie du Nord, a derrière lui l'armée, dont les cadres sont comme lui des gens du Nord. Ouais, alors que Lissouba, lui, est un homme du Sud. Hein. Oui, enfin, je vais vite. Là. Dès 1993, on assiste au premier trouble à Brazzaville. Et la situation va rapidement se compliquer. Car les différents clans vont se doter de milices. Les Cobras, pour Sassou. Les Kolkoy, pour Lissouba, auxquels se mêlent des mercenaires. Et les ninjas pour un troisième homme, Kolela, le maire de Brazzaville qui est originaire du Poul, la région centrale du Congo. Et l'argent ? Il provient essentiellement du pétrole. Donc de la compagnie Elf. Qui arrose tout le monde pour préserver son monopole d'exploitation. En décembre 1995, alors qu'on a déjà compté 2000 morts, les différentes factions signent un pacte de paix. Mais se pose la question des 100 000 miliciens qui se trouvent soudain désœuvrés. Et qu'on ne peut pas tous incorporer dans l'armée. Oui, d'autant que les instances internationales ont imposé des restrictions budgétaires. On se dirige donc automatiquement vers d'autres troubles. Entre juin et octobre 1997, on assiste donc à une nouvelle guerre civile. À Brazzaville, les affrontements entre l'armée et la milice de l'ancien président Denis Sassou Nguesso sont excessivement violents. Et déjà, le voisin angolais s'en mêle. Ouais, au profit de qui ? De Sassou Nguesso. Car son rival Lissouba a commis l'erreur de se rapprocher de l'opposant angolais Savimbi. Ouais. Et la France alors ? Elle penche clairement pour Sassou Nguesso, qui compte de solides appuis dans notre pays. Même si, en principe, Paris est neutre. Mais il y a le pétrole. Et chaque camp demande à Elf de financer ses milices et sa guerre. Et là encore, Lissouba va commettre une erreur fatale. Expliquez. Comme Elf rechigne à payer, Lissouba menace d'introduire au Congo une compagnie pétrolière américaine. Ce qu'il va faire, effectivement. Hein. Mais il n'en faut pas plus pour que Elf, qui deviendra bientôt Total, bascule du côté de Sassou Nguesso. Sans le clamer, bien sûr. Et sur le terrain, alors Tandis qu'une partie de l'armée régulière rejoint les Cobras de Sassou, le troisième homme, Kolelas, rallie avec ses ninjas le camp du président Lissouba, dont il devient le premier ministre. En octobre 1997, les partisans de Sassou Nguesso, appuyés par l'armée angolaise, passent à l'offensive. Dès le 15 octobre, l'ancien président a gagné. Et comme autrefois en Europe, au temps des reîtres, il accorde une récompense à ses guerriers qui sont autorisés à piller les quartiers sud de Brazzaville. Une semaine durant. Bilan total, entre 4 000 et 10 000 victimes. Mais Lissouba est donc vaincu. Et Sassou Nguesso décide de s'investir président de la République et lance des mandats d'arrêt contre Lissouba et Bernard Colelas. Ils sont auto-investis, quoi. Et la suite ? Bah, tout au long de l'année 98, la guerre continue, mais de façon larvée. Toutefois, en décembre, la violence repart de plus belle, car Sassou Nguesso veut en finir avec ses opposants. Les quartiers sud de Brazzaville sont bombardés à l'arme lourde. Et la répression gouvernementale s'étend dans tout le sud du pays. Pillages, viols des femmes et massacres systématiques des hommes des ethnies ennemies. Une purification ethnique, non ? Oui, oui, cela dans un silence assourdissant hors du Congo. Un silence des médias occidentaux, c'est ça ? Oui, c'est particulièrement vrai en France, à quelques exceptions près. Au moins 25 000 morts sont recensés. Mais il y en a certainement eu plus. Il faut ajouter des dizaines de milliers de personnes qui s'exilent, ou pire, se réfugient dans les forêts où beaucoup meurent de faim et de maladies. Et c'est au cours de cette terrible période que se situe l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Le massacre du port fluvial de Brazzaville, le Beach, comme on l'appelle. Dans quelles conditions ? Je vous explique. En avril 1999, Sassou Nguesso lance un appel radio-télévisé pour annoncer que la paix se profile et que tous les Congolais qui ont fui peuvent rentrer chez eux en toute sécurité. Et pour montrer sa bonne volonté, il signe, sous les auspices de l'ONU, un accord pour organiser le rapatriement volontaire par bateau des milliers de Congolais réfugiés de l'autre côté du fleuve Congo. Oui, à Kinshasa, donc. Il s'agit de mettre en place une sorte de couloir humanitaire, au fond. Et ça commence effectivement à la mi-mai, quand les réfugiés débarquent au Beach. Ils sont accueillis par une personnalité gouvernementale au nom du président Sassou Nguesso, le ministre de la Santé, selon certains témoins. Mais dès que celui-ci est parti, des militaires appartenant vraisemblablement à la garde présidentielle prennent les choses en main. Et que font-ils alors ? Ils commencent à trier les gens qui viennent d'arriver. Les vieux, les femmes, les malades et les enfants d'un côté. Les jeunes et les hommes valides d'un autre. Ouais, ça rappelle malheureusement ce qui se passait lorsque les déportés descendaient des wagons qui les avaient transportés jusque dans les camps de la mort allemands. Oui, à la différence près que les membres du premier groupe sont aussitôt libérés, tandis que les autres sont embarqués dans des camionnettes et qu'on ne les reverra jamais vivants. D'ailleurs, les autres, c'est les valides. Ouais. Et à ce stade, alors, peut-on esquisser une explication ? Oui, oui, il est évident que pour la soldatesque de Sassou Nguesso, ces hommes sont considérés comme des ennemis, peut-être même comme des membres des milices de Lissouba ou Colelas. Il faut donc les liquider. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ce sont purement et simplement des assassinats. Ou comme on dit pudiquement, des exécutions extrajudiciaires. J'ajoute que ces éliminations physiques ont la plupart du temps été accompagnées d'actes de sauvagerie et de torture. Et combien d'hommes ont été ainsi tués à... Impossible à dire, car les massacres vont se poursuivre jusqu'au mois d'août. Et ils ne peuvent pas être ignorés du pouvoir. Ah, ne serait-ce qu'à cause de la proximité géographique du palais présidentiel avec le débarcadère du Beach. Nakondo mama atizabiko Tungane mavula Tumini kwanye Bewaloso Oh oh oh mebalosa Tungane mavula Tumini kwanye Mewaloso Oh oh oh mebalosa Oh oh oh Mame Mame mame Nani yula Oh nani yula kwani mamange Mame Dans le monde du 26 février 2000, le père d'un jeune disparu raconte, je cite, « C'était l'époque où des voyous, incorporés dans la force publique, se comportaient comme des sauvages, découpant les corps de leurs victimes à la machette et accrochant les membres et les têtes sur les calandres des voitures des cobras les miliciens de Sassoun Guesso avant de jeter les restes des corps dans le fleuve. Toute la ville a vu ça. Le fleuve est devenu un grand cimetière entre mai et août. Autre récit. Dans le livre de Xavier Harel, Afrique, pillage à huis clos. Un ingénieur témoigne. À mon avis, nous étions 150 à 200 jeunes dans ce bâtiment du Beach, séquestré par la garde présidentielle. Nous avons été interrogés avec des tortures, puisque nous avons été brûlés par des cigarettes et frappés. Ils vérifiaient si nous avions des marques de port d'armes aux épaules ou de port de Rangers aux pieds. Tout cela, c'était des signes d'appartenance présumés aux ninjas, les milices de Kolelas. Puis cet homme raconte encore les exécutions qui suivent, juste derrière le palais présidentiel. Lui est seulement blessé et arrive à se traîner dans les broussailles, caché. Pendant 5 jours, il a vu de nouveaux prisonniers arriver et être tués avant que les militaires ne commencent à brûler les cadavres. Je vais revenir bien entendu sur les massacres du Beach. Auparavant, il me faut vous dire qu'à la fin décembre 1999, un accord de cessation des hostilités est signé entre l'armée et les miliciens rebelles. Et c'est donc la fin de cet effroyable cycle de violence. Oui, à peu près au même moment, des proches des victimes du Beach déposent plainte à Brazzaville. 106 familles de disparus du Beach sont reçues au ministère de la Justice et des Droits Humains de Brazza. Mmh. Avec quelles conséquences alors ? Aucune. L'affaire est immédiatement enterrée. Cependant, en août 2000, la justice congolaise accepte finalement d'ouvrir une procédure, mais elle s'abstient d'enquêter. Tant et si bien qu'en juin 2001, les familles des victimes interpellent une nouvelle fois les autorités. Elles se sont organisées en créant une association dont l'un des animateurs est un colonel qui a perdu son fils lors de ce drame. Et j'imagine que cette association-là, essayer de regrouper des témoignages. Bien entendu, ça a permis à ces familles de recenser plus de 350 cas de disparition. Leur action a ensuite abouti devant le Conseil national de transition, un parlement provisoire instauré après le putsch de Sassou. Une commission d'enquête sur les disparus du Beach et sur toutes les autres personnes disparues depuis 1992 est mise en place. Mmh. Ça change quelque chose ? Non, parce qu'avec la fin de la période dite de transition, la commission meurt de sa belle mort en février 2002 sans avoir rien entrepris. Mais c'est donc en France que l'affaire va rebondir, en décembre 2001. Car je vous l'ai dit, deux responsables congolais présumés impliqués dans l'affaire ont une double résidence et une adresse à Meaux ou dans les environs. Et qui a déposé cette plainte-là ? Trois ONG, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme et l'Observatoire congolais des droits de l'homme. À partir des témoignages recueillis, la plainte a donc pour objet des cas de torture, de disparition forcée et de crimes contre l'humanité commis lors des massacres de mai 1999 à Brazzaville. Alors, deuxième question. Quelles sont les personnes visées par cette plainte ? Elles sont principalement quatre, à commencer par le président Denis Sassou Nguesso lui-même. Bien ensuite, le ministre de l'Intérieur, Pierre Obah, le commandant de la garde présidentielle, Blaise Adoua et le général Norbert Debira, inspecteur des armées au Congo. Mais il s'y ajoutera un cinquième personnage, Jean-François Ndeke, le directeur général de la police nationale, qui était au moment des faits chargé de la sécurité du port fluvial. Ouais, donc très bien placé pour savoir ce qui s'est passé. Naturellement. Mmh. Et c'est ce Ndenge et le général Dabira qui possèdent des résidences à Meaux, en Seine-et-Marne. Ici, il faut remarquer que la justice française ne traîne pas des pieds, bien au contraire. Dès le mois de janvier 2002, le procureur de la République de Meaux ouvre une information judiciaire contre X. Et il confie l'enquête à deux juges d'instruction, Jean Gervilliers et Anne Luce Bouvier. Au mois de mai 2002, comme la présence sur le territoire français du général Dabira est constatée, les juges ordonnent de procéder à son interpellation. Et il est placé en garde à vue. C'est la procédure. Mais en attendant son éventuelle mise en examen, il recouvre la liberté. En juillet, il est entendu en tant que témoin assisté en présence de son avocat, Jacques Vergès. Une vedette du barreau, hein. Témoin assisté, il n'est donc pas mis en examen par les deux juges d'instruction de Meaux. Mais deux mois plus tard, comme il refuse de répondre à une convocation des magistrats, il fait l'objet d'un mandat d'amener. Et à Brazzaville, comment réagit-on ? Ah bah très mal, comme vous pouvez vous en douter. Le gouvernement congolais annonce aussitôt qu'il va en appeler la Cour internationale de justice de La Haye, afin d'obtenir le dessaisissement de la justice française. En effet, Brazzaville fait valoir que les chefs d'État étrangers et les ministres en exercice bénéficient d'une immunité judiciaire. Or, coïncidence embarrassante, en ce même mois de septembre 2002, Sassou Nguesso doit effectuer sa première visite officielle à Paris depuis son retour au pouvoir en octobre 1997. Ah oui, alors son implication là, tombe donc très mal pour lui. Et d'autant qu'à l'occasion de son déplacement en France, les juges d'instruction ont bien l'intention de l'entendre. C'est ce qu'ils font savoir de manière très officielle au Quai d'Orsay. Ouais, le ministère des Affaires étrangères. Hein. Oui, mais étrangement, le ministre Dominique de Villepin s'abstient de remettre cette convocation à son destinataire. Oui, étrangement. Hein. Oui, enfin, il ne fait pas de doute que cette décision a été prise au sommet de l'État. Ouais, le président de la République. Jacques Chirac a toujours eu un faible pour Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, on ne va pas tracasser notre ami congolais pour des affaires somme toute subalternes. Ouais. Quant au général Dabira, lui, m'avez-vous dit, il n'a pas déféré à la convocation des magistrats. C'est ça, car il prétend qu'une procédure judiciaire est ouverte au Congo-Brazzaville. Et comme on ne peut pas être jugé deux fois pour le même motif, il refuse le rendez-vous avec les deux juges français. Ce qui vaut une mise en examen. Pour crime contre l'humanité, oui. Et un peu plus tard, un mandat d'arrêt international est même délivré à son encontre début 2004. Mais en principe, ça lui interdit de voyager dans nombre de pays. Hein. Parallèlement, la Cour de La Haye a été effectivement saisie par les autorités congolaises. Mais en juin 2003, Brazzaville est débouté. La justice française peut donc continuer à avancer. Oui, oui, et malgré l'appel qui a été formulé par les Congolais. Mais on va alors assister à un épisode judiciaire extravagant. Vous vous souvenez de cette affaire rocambolesque où on avait envoyé un hélicoptère à un procureur qui faisait du trekking au Népal? Oui, afin qu'il revienne au plus vite pour éviter à Madame Tibéri, accusée de s'être fait payer un rapport bidon, d'avoir des ennuis judiciaires. Eh bien, cette histoire risible, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de l'histoire que je vais vous raconter. Alors, voyons cela dans le détail. Je vous ai dit que les deux juges d'instruction avaient un autre Congolais dans leur collimateur. Oui, ce patron de la police, là, qui lui aussi possédait une résidence à Meaux. Hein. Jean-François Ndenge, oui. Un ancien diplomate très proche de Sassou Nguesso, qui était responsable de la sécurité dans le secteur du Bitche, dont la présence sur les lieux était avérée au moment des massacres. Or, les magistrats apprennent que Ndenge se trouve à Meaux. Le 1er avril 2004, à la mi-journée, ils ordonnent son interpellation chez lui, dans son appartement. Et lui aussi, alors, il est placé en garde à vue avant d'être conduit devant les juges. Oui, oui, mais il proteste et exhibe son passeport diplomatique et un ordre de mission signé par Sassou en personne. Toutefois, ce document ne comporte aucun descriptif de la dite mission. Et surtout, il est daté du 19 avril 2004. Antidaté, donc. Avouez que c'est bizarre. Toutefois, le juge Jean Gervillier, avant d'interroger Ndenge, détenu à la gendarmerie de Meaux, appelle le service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Pour quelle raison hein, bah, il veut s'assurer que Ndenge ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique. Réponse ? Bon, on lui donne une confirmation orale. Mais le magistrat, qui est scrupuleux, demande pour plus de sûreté d'obtenir une confirmation écrite. Et celle-ci tarde à lui parvenir. Ouais, et là, on devine qu'au Quai d'Orsay, on est très embarrassé. Pour ne pas employer une expression plus triviale. Oui. Enfin, en début de soirée, une réponse écrite est renvoyée au juge. En fait, il ne s'agit pas d'une note du ministère, mais d'une attestation sur l'honneur de l'ambassadeur du Congo à Paris. Le diplomate certifie l'authenticité de la mission de Ndenge. Et si la date d'émission du document est le 19 avril, c'est tout simplement que son rédacteur s'est trompé d'un mois. Ouais, ce serait donc le 19 mars 2004. Et pas le 19 avril. Alors, que peut faire le magistrat, là ? Gervillier est tout de même décidé à prolonger la garde à vue et procède à un premier interrogatoire. Malgré l'attestation de l'ambassadeur, non ? Oui, parce que le magistrat sait qu'elle est mensongère. Mais pourquoi alors ? Mais parce que Ndenge est sur écoute à son domicile depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, quand celui-ci tente de répondre au juge sur la nature de sa mission en France, il s'en mêle et s'en fait. Par contre, ce que ne peut pas savoir Jean Gervillier, c'est que son action a provoqué en haut lieu un beau remue-ménage. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Retour sur la décision de la Cour internationale de justice de débouter Brazzaville qui demandait la suspension de la procédure engagée contre 4 de ses dirigeants politiques et militaires. Je lis dans Le Monde du 19 juin 2006 que la décision de la Cour avait été saluée comme une victoire pour les militants des droits de l'homme, le premier signe d'espoir pour les familles des victimes et les rescapés des massacres. Il est intéressant de voir quels étaient les arguments développés par l'avocat des mises en examen, Maître Jacques Vergès. Pour lui, les procédures engagées en France portaient un préjudice irréparable à l'honneur du Congo ainsi qu'à sa stabilité, ce que la Cour a réfuté. Commentaire d'un représentant d'une ONG, Jacques Vergès a tapé plus bas que la ceinture en dénonçant le colonialisme. Il n'a pas une seule fois prononcé le mot de massacre, ni même celui de victime, et a donné l'impression que la seule victime dans l'affaire était l'État congolais. Enfin, les auteurs de l'article du Monde concluent de façon assez maligne que les autorités françaises ont dû défendre les prérogatives du parquet de Meaux devant la Cour internationale, en espérant sans doute que celle-ci, in fine, les débarrasserait de l'affaire. Dès que Sassou Nguesso a été informé de l'interpellation de son chef de la police, il appelle l'Élysée. Avec son ami Chirac. Le président congolais est furieux. Comme nombre de dictateurs, il a du mal à comprendre qu'en France, la justice jouit d'une certaine indépendance. Une indépendance toute relative, vous allez le voir. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Donc, Sassou est en colère. Et d'après certaines sources, il est même menaçant. Mais à quel propos ? Il est facile de l'imaginer. Le fonctionnement de la France-Afrique est lourd de secrets. Et de valises de billets. Si vous le voulez. Et puis, il y a le pétrole. Comme l'a fait Lissouba Sassou Nguesso, pourrait inviter une compagnie américaine à partager le gâteau pétrolier. J'ajoute que Villepin, tout nouveau ministre de l'Intérieur, aurait été présent dans le bureau présidentiel lors de cette conversation téléphonique tempétueuse. Villepin qui a déjà joué un rôle dans cette affaire 2 ans plus tôt, m'avez-vous dit. Oui, en tout cas, ça va très vite. Au milieu de la soirée, il est alors plus de 22h, le procureur de Meaux demande à Gervilliers de relâcher Ndengue. Ouais, ce procureur a donc reçu un coup de fil de Paris. C'est évident. Mais le juge d'instruction fait la sourde oreille et maintient le Congolais en détention. Il va même plus loin, puisqu'il lui signifie sa mise en examen pour crime contre l'humanité, disparition forcée et torture. Comme pour les 4 autres dirigeants congolais. Exactement. Et point important, l'incarcération provisoire est aussitôt confirmée par le juge des libertés et de la détention. Alors que ce dernier magistrat est censé limiter les pouvoirs du juge d'instruction. C'est donc qu'au vu du dossier, il a jugé que la détention était justifiée. Le lendemain, 2 avril, Ndengue est écroué à la prison de la Santé. Toutefois, le procureur de Meaux a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention et a utilisé une procédure judiciaire extrêmement rare. Je ne suis pas un spécialiste de la chose judiciaire, mais je crois que ça s'appelle le référé liberté. Oui, ça permettrait à Ndengue de rester libre jusqu'à son procès. Oui, à condition que la chambre de l'instruction se réunisse et en décide ainsi. Ce qui va demander du temps. Eh bien, pas du tout, dans le cas présent. La présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est réveillée en pleine nuit. Elle doit statuer en toute urgence. Mais problème, il lui faut le dossier. Que cela ne tienne, c'est au tour d'une greffière de Meaux d'être réveillée au milieu de la nuit. Requise d'urgence, elle doit récupérer le dossier dans l'armoire cadenassée du secrétariat de l'instruction et le transférer à Paris. Et au final, alors ? Sur instruction téléphonique du substitut général à la cour d'appel de Paris, la présidente de la chambre de l'instruction ordonne la libération de Ndengue en invoquant son statut diplomatique. Et 2 heures plus tard, les portes de la prison de la Santé s'ouvrent. Le Congolais prend aussitôt la direction de l'aéroport. Il prend le premier avion pour Brazzaville. C'est quand même tout à fait étonnant, Ce qui permettra à l'un des avocats de la Fédération des droits de l'homme de parler ironiquement, je cite, « d'une justice nocturne au garde-à-vous ». Le juge d'instruction a donc été complètement désavoué. Certes, mais il faut aussi mettre les formes. Le 5 avril, le procureur de Meaux enfonce le clou en présentant une requête en nullité visant les actes d'information relatifs à M. Ndengue. Le parquet général de la cour d'appel considérant sa détention comme arbitraire. Par conséquent, tous les éléments le concernant sont jugés illégaux. Et 3 jours plus tard, le juge Gervillier est dessaisi de l'affaire. Eh ben voilà, il doit s'incliner. Mais il enrage. Et ce juge courageux demande à être auditionné par le Conseil supérieur de la magistrature. Il estime, en effet, que la procédure ayant mené à la libération de Ndengue a fait l'objet d'interventions de nature à compromettre gravement le déroulement serein de son instruction et a mis en cause son indépendance. Mmh. Est-ce que cette audition-là, devant le Conseil supérieur de la magistrature, pouvait produire des effets ? Bien sûr que non. C'était forcément la raison d'État qui l'emporterait. Mais le juge avait marqué le coup. Alors la suite ? Les familles des victimes et les ONG qui les soutenaient n'étaient bien sûr pas décidées à renoncer. 1 mois et demi après la fuite organisée de Ndengue, elle recueille un témoignage accablant sur les massacres du Beach. Venant de qui ? D'un ancien conseiller de Sassou Nguesso, un nommé Marie-Nicodème Nganga. Il a rallié Sassou au moment où éclatait la Deuxième Guerre civile en 1997. Installé dans un bureau du palais présidentiel, il a été alerté par les odeurs nauséabondes qui provenaient du Beach. Il est donc allé sur place avec un autre fonctionnaire de la présidence et il a vu une centaine de cadavres que des militaires incinéraient. Et comment a-t-il réagi alors ? Il affirme qu'il a informé le ministre de l'Intérieur, Pierre Oba, puis Denis Sassou Nguesso en personne. Celui-ci aurait répondu que ces tueries étaient purement ethniques et lui a conseillé de regarder ailleurs. Ouais, c'est-à-dire de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Mais le soir même, Nganga raconte avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par les Cobras. Ça, les Cobras, c'est la milice de Sassou. Hein. Et pour sauver sa peau, il a trouvé plus prudent de se réfugier en France. Mmh. Et les suites juridiques hein. Fin novembre 2004, quelques mois après une visite officielle de Sassou Nguesso, reçue en grande pompe par son ami Chirac, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a annulé l'ensemble de l'affaire. Et donc tous les actes d'instruction des deux juges de mots. Mais les parties civiles se sont pourvues en cassation. Un peu plus tard, en février 2005, Jacques Chirac a rendu la politesse à Sassou en se déplaçant à Brazzaville. Questionné par un journaliste sur l'affaire des disparus du Beach, le président a osé dire que la justice française était indépendante. Mais il n'a pas eu un mot pour les victimes et leurs familles. Et on a compris qu'il se rangeait totalement derrière son homologue congolais. On a assisté ensuite à une véritable mascarade au Congo même. Une mascarade, c'est-à-dire, là ? Afin d'éteindre toute action judiciaire en dehors du pays, les autorités congolaises ont organisé leur propre procès. 16 officiers supérieurs et des cadres ont comparu devant la cour d'assises de Brazzaville. Défendus par une vingtaine d'avocats africains, épaulés par quelques vedettes du barreau français, vraisemblablement payés par l'État congolais, ces accusés ont dû répondre de la disparition de 85 personnes lors des événements du Beach. Ben c'était quand même une avancée, non ? Apparemment, oui, puisque jusque-là, le gouvernement avait toujours soutenu qu'il ne s'était rien passé au Beach. Mais en fait, c'était, si j'ose dire, une opération de blanchiment. Après plusieurs semaines de débats, le procès s'est terminé par un acquittement général. Comme s'il n'y avait jamais eu de massacre. Pas tout à fait. Car, assez paradoxalement, les autorités ont reconnu leur responsabilité en accordant 15 000 euros d'indemnité à chaque famille de disparus. Mais, et c'est le point le plus important avec ce procès biaisé, Brazzaville pensait en avoir terminé avec cette affaire. Et ça n'a pas été le cas. Et une fois encore, c'est en France que c'est reparti. En janvier 2007, la Cour de cassation a relancé le volet français de l'affaire en la confiant à la Chambre de l'instruction de Versailles. Les magistrats ont en effet estimé que la présence régulière sur le territoire français d'au moins une des personnes visées dans la plainte suffisait à justifier l'ouverture d'une enquête. Une décision qui a fait hurler Sassou Nguesso. Il a même parlé de provocation. Ouais, en tout cas, la justice française pouvait donc suivre son cours. Mais avec les lenteurs inhérentes à son appareil. Dernier rebondissement. La juge d'instruction de Meaux, en charge du dossier, s'est dessaisie en mars de l'année dernière au profit d'une nouvelle instance créée en 2011 au sein du tribunal de grande instance de Paris, un pôle spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre. Et que pensez-vous de ce dépaysement-là ? Est-ce que c'est une nouvelle façon d'enterrer l'affaire ? Non, bien au contraire. Ces magistrats spécialisés qui disposent d'une équipe de 9 enquêteurs ont la volonté d'aboutir. C'est en tout cas ce que pensent les avocats des victimes et de la Fédération internationale des droits de l'homme. À suivre donc. Oui, d'autant qu'au plan international, l'affaire pourrait aussi connaître de nouveaux développements. À Brazzaville, on l'a si bien compris qu'on a renoncé à la procédure entamée en 2002 contre la France devant la Cour de La Haye. Et pourquoi, selon vous, hein ? Mais parce que la justice internationale aurait pu, à l'occasion, mener des investigations conduisant à l'identification des responsables des tueries. Mais cet abandon n'a pas empêché l'ONU de se saisir du dossier à l'initiative de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il existe, en effet, aux Nations Unies, un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Eh bien, ce groupe a commencé à travailler et a transmis au gouvernement congolais 80 cas de disparition. Et à charge pour Brazzaville de donner des éclaircissements sur ces disparitions. Oui, oui, cette cellule onusienne veut que des enquêtes soient menées afin d'élucider le sort des personnes portées disparues et de déterminer l'endroit où se trouvent leurs dépouilles. Une délégation a même fait le déplacement au Congo afin de juger de l'éventuelle bonne volonté des autorités, ce qui a permis de recenser une trentaine de cas supplémentaires. Alors si je comprends bien, Brazzaville est maintenant au pied du mur. Bah, on peut le penser, mais vous le savez, d'autres tracasseries attendent Sassou Nguesso. Ouais, vous voulez parler du dossier des biens mal acquis. Hein. Oui, plusieurs plaintes ont été déposées en France, car une enquête de police a établi que Sassou et les siens possédaient chez nous 18 propriétés de grand standing et la bagatelle de 112 comptes en banque. Cependant, là encore, le pouvoir politique a freiné de toutes ses forces et fait pression sur la justice, mais il n'en sera peut-être pas toujours ainsi. Des livres pour terminer. Afrique, pillage à huis clos, de Xavier Harel, et du même avec Thomas Hoffnung, Le scandale des biens mal acquis, enquête sur les milliards volés de la France-Afrique, puis Noir Chirac de François-Xavier Verschave et enfin de Jean-Pierre Batte, Le syndrome Focard. Autant de titres dont vous trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée, mise en forme par Michel Biou. Et merci aussi à Monsieur Jou pour ses musiques. Tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.